sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvue, l'émission 379, Trihan Naodek à Triugen. Trihan Nantek à Triugen. Nantek. Oui, Nantek à Triugen, oui. Voilà. On voit quel mot aujourd'hui alors, Henri? Alors, je me suis aperçu que l'autre jour, on a traité mardi, parce qu'on a traité mœurs, hein, parce que ça se dit comme le mois de mars, hein. Et puis, je me suis dit que finalement, on aurait peut-être dû traiter le lundi d'abord, quoi. Hein. Oui. Et donc on va en parler un petit peu. Alors en breton là, donc lundi c'est 10 lunes quoi. C'est presque du verlan par rapport au français quoi. En verlan ça nous donnait quelque chose comme ça aussi quoi. Et alors oui parce qu'en breton on met la forme di qui vient du latin dies hein. On met ça devant comme en occitan hein. Alors qu'en français et en anglais, on met à la fin, quoi. Hein. Voilà. Alors on trouve les mêmes mots en gallois et en cornique. Hein. Et dans les trois cas, ça vient du latin lunae ou lunae, hein. Donc qui veut dire de la lune. Voilà. Donc le lundi, c'est le jour de la lune. D'ailleurs en anglais, c'est pareil, Monday. Hein. Mm-hmm. Voilà, the moon, quoi. Et donc le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Hein. De la semaine telle qu'elle existe actuellement quoi le lendemain du dimanche donc il y a beaucoup d'expressions hein, on entend dire comment ça va comme un lundi hein. Le lundi c'est le début de la semaine, le retour à l'activité, le jour où les gens sont parfois un peu reposés, parfois un peu fatigués par le dimanche. Et alors c'était aussi un peu moins aujourd'hui, mais c'était aussi le jour de congé des commerçants, puisqu'autrefois le commerce alimentaire c'était le samedi et le dimanche, hein, et donc en général les commerces étaient fermés le lundi quoi, sauf les boucheries chevalines qui ouvraient le lundi autrefois. On n'en trouve plus beaucoup des boucheries chevalines. On n'en trouve plus beaucoup, mais on en parle beaucoup en ce moment. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et donc elles étaient, les autres boucheries étaient fermées et les boucheries chevalines étaient ouvertes le lundi. Alors le lundi, comme je le disais, c'est le lendemain du dimanche, donc il y avait souvent des festivités qui se prolongeaient, et ça existe encore d'ailleurs, hein, qui se prolongent quand il y a un pardon, par exemple. Le Hat Pardon, ça, c'est le lundi. Et en général, ce Hat Pardon là était consacré à des activités profanes, comme la foire en particulier. Hein. Ah oui. On a encore ça, par exemple, à Bulat. Hein. Donc à Bulat, le pardon, c'est le premier dimanche après le 8 septembre, qui est la naissance de la Vierge. Et le lendemain, c'est la foire. Donc il était chômé ce jour-là. Oui, enfin, autrefois, ça n'avait pas le même sens tout à fait, les jours chômés, les jours fériés, puisque dans les campagnes, les gens étaient leur propre patron, en fait. Ouais. Donc, ils s'accordaient les jours de repos. Mais dans les bourgs, les commerçants, tout ça. Ah oui, dans les bourgs, oui, c'était important le lundi de foire. Les foires, c'était quelque chose de très important. À Mel, par exemple, c'est pareil, il y avait pour la Saint-Laurent, donc il y a le pardon le dimanche et la foire. Le lundi. Je me souviens, étant gamin, d'avoir vu, c'est un peu un flash que j'ai là, quelques bêtes au fond de la place, là, pour la foire de Mel, mais ça devait être, c'était dans les années 50, donc c'était la fin de la foire de Mel, qui a quand même continué, parce qu'il y a, d'une certaine façon, il y avait une fête foraine à l'époque, hein, il y avait des auto-tampons, des casse-gueules, qu'on appelait ça aussi, les manèges avec des cordes, là. Et des tirs quoi hein. Et donc il restait le lundi et il y avait les courses de vélo le lundi, le circuit des Genêts Verts quoi. Donc la foire avait pris un peu une autre forme mais elle subsistait. Voilà. Et donc il y avait aussi dans plusieurs lundis dans l'année qui sont des jours de fête hein. Bon le lundi de Pâques par exemple hein, lune vasque par exemple on disait lune vasque macroistaset. À Croix-Tasset, il y avait une des fêtes avec des balles le soir. Il y avait deux salles de danse. Enfin, les anciens ont connu ça, quoi. Hein. c'était très important le lundi de Pâques à Croix-Stassède, quoi. À Croix-Stassède, dans les grandes bâtisses qu'il y a au Croisement? Non, c'était des baraques qu'on montait, hein. Ah ouais, des chapiteaux. Des salles des fêtes transportables. Ouais, on appellerait ça des chapiteaux, et aujourd'hui, mais c'était des baraques en bois qu'on peut démonter et monter facilement. Et donc il y avait des balles ce soir-là, ce jour-là, le lundi de Pâques, quoi. Et l'expression est restée longtemps, hein, monde de d'Orlune Vase, bah Croistas, là. Mais ça a disparu dans les années 50-60 par là. Mais malgré tout, l'expression est restée, quoi. Et il y a encore des gens qui s'en souviennent. Voilà. Et alors le lundi de Pâques, il y avait un peu partout des festivités comme ça. Il y avait par exemple à Cesson à Rennes là le défilé des étalons. Il y avait des choses comme ça un petit peu partout, quoi. Et donc un jour férié, il y avait la Saint-Mathurin à Moncontour aussi. Ça existe toujours. Hein. Zand Matlin, Moncontour, Metz ou Armer, Lagendour. Hein, Saint Mathurin, il est maître sur les femmes et sur l'eau, ce qui fait beaucoup d'occupations. Voilà. Et puis alors il y a le lundi de Pentecôte aussi, 50 jours. Oui, je suis en train de me dire oui, la Saint Mathurin, c'est le jour du lundi de Pentecôte en fait. C'est pas le lundi de Pâques, c'est le lundi de Pentecôte. Donc 50 jours après Pâques. Voilà. Donc alors le pour se souvenir des jours de la semaine, pour les enfants, il y a beaucoup de comptines comme ça, hein. Dilun mi wapin vidig, hein. Dilun mi wapin vidig, pe moi prenne do yarik, kod kod kod re raik, kod kod kod meme yarik, kod kod kod re. Et des choses comme ça. Puis alors, la chanson des Korrigans, dilun dimers dimerer, hein. Voilà. Donc, le lundi, quoi. Alors, bon, j'ai parlé du lundi de Pâques. Alors, quand on veut dire le contenu du lundi, on dit lune-vesin. Lune-vesin, exactement comme on a vu pour mardi. On a vu pour mardi, quoi. Il y avait aussi le marché à Saint-Nicolas autrefois. Il y avait le marché à Saint-Nicolas le lundi, le marché à Rostrona le mardi et le mercredi à Calac. Mmh. Donc finalement, on pouvait aller. Il y avait le samedi à Guingamp. On pouvait aller tous les jours au marché pratiquement, quoi. Autrefois, mais celui de Saint-Nicolas n'a pas subsisté, quoi. Alors que peut-être qu'un jour il sera relancé, on ne sait jamais. La mode est au marché. Circuit court. Oui, la mode est au circuit court, donc on pourrait relancer les marchés comme ça, les petits marchés, quoi. Ben, on a fait un petit peu de tour sur le lundi. Alors, quand on veut dire, par exemple, lundi dernier, on va dire dilune tremenen, hein. Lundi prochain, dilune de zone. Et puis alors, quand on dit de lune, c'est quelque chose qu'on fait habituellement le lundi, hein, ou béblune aussi, on peut dire, tous les lundis. Hein. Voilà. Ben nous, on enregistre souvent le lundi, hein, de lune. Alice va en rôle de lune. Véjouk de mœurs. Véjouk. Bon, ben, on parlera alors bientôt du mercredi aussi, en mer. Comme ça, et puis on continuera jusqu'à la fin de la semaine. Ayota, ayota. Voilà. Bon, merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Brisonnec t'en m'attend. Thank you. Donc c'est le moment de Brezhoneck tant matin. Et on retourne en fait voir Albert, ouais. qui était allé au salon d'agriculture ouais. à Paris. À Paris, ouais, ouais, tous les ans. Albert Gat, il est de Kerblay, là, et il va tous les ans au salon de l'agriculture. Donc on avait entendu la première partie la dernière fois, et là, c'est la suite. D'accord. Chanik, sais-tu peut-ce que l'élève de Casa Lounet Feyavat, Tiemen Véloirlandé, Demjonge, Zou, Deven, Mor, Yir, Tiesek, c'est. Gwelle meus o hole de splouaret, handvet Casimir. Casimir? Ya, o hole Gwen, Perbla, de Christian Jacob, Wahins, hag pouezera spen trimir. Hag vior deus lesquen meus gwelle d'un, handvet Violette. O vior brise rue, seis la, hag bebe maud zoet gant Casimir a Violette. N'est que Roméo à Juliette, hein, mais Casimir à Violette. Ah, ça après Albert. Et tout ça, c'est vrai. Et tout ça, c'est vrai, puisque maintenant, parce on reprend que... la... Voilà. Pourquoi c'est vrai? Bah, parce que c'est tout le temps vrai, de toute façon. C'est effectivement, il y avait un taureau qui faisait 1610 kilos, donc Casimir, hein, et qui est effectivement de Plouarette. Charolais. Un charolais, oui. Lui, il dit un blanc, mais ouais. On comprend. Hein. Ah oui. Au rôle de Gwen. Hein. Et une pie rouge. Et une pie rouge, hein, qui était Violette. Voilà. Et qui est de l'Escouette. Qui était nommée Violette. Voilà. Et qui est nommée Violette. Voilà. Bon. Eh bien, on va reprendre. Phrase à phrase. Chanik demande donc. Sais-tu, parce que Violette, Kazelonet. Oui, donc, vous avez vu beaucoup de bêtes. Hein. Kazelonet. Feyavat. Qui aimait le voir l'aîné, Damsonge. Feyavat, alors fait, c'est le mot foi, donc c'est ma foi oui, hein, Feyavat, Kemen velo Arlandé, autant que Arlandé l'année dernière, hein, Demzonge, à mon avis. Zout, d'invet, mort, yar, kézik. Alors, zout, hein, des vaches, d'invet, des moutons, mort, des porcs, des cochons, yir, des volailles, hein, volailles en général, hein, là c'est des poules, mais enfin c'est volailles en général, et tiezek, bien sûr, des chevaux, hein. Zé, Gwélène meuse a rôlé de ce plouaret en devait Casimir. Par exemple, alors il dit c'est, ça veut dire voir. Hein, ouais. Voilà, donc, Gwélène meuse, j'ai vu un taureau rôlé, des fois on dit rôle terre aussi, hein, rôlé de ce plouaret, hein, donc un taureau de plouaret appelé Casimir, nommé Casimir. Casimir, demande Chanik. Oui. Il y a rôlé Gwen Pevarbla da Christian Jacob. Voilà, oui, un taureau blanc, donc un charolais, en fait, hein, de 4 ans. À Poesara, Spen... De Christian Jacob. Ouais, voilà. Spentrimir, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, justement, oui, et il pèse plus de... Alors, mire, c'est 500 kilos. C'est 1000 livres. Alors, mire. Hein, donc, voilà. D'accord. 1610 kilos, tu rajoutes. 1610 kilos. Agervior de l'Escouette, l'Escouette Guaret, quoi. Musguelet y en fait, Violette. Voilà. Et une vache de l'Escouette, hein, l'Escouette Guaret, bien sûr, hein, qui était là-bas aussi, qui est une brise rue, c'est-à-dire une pie rouge, hein. Agervior Zeis Vla, brise rue, voilà. Voilà. Une vache de 7 ans, pie rouge, qui s'appelle Violette. A Beba Maut, Zoet, Gant Casimir, oui. Casimir, à Violette. Oui. Alors évidemment, si on traduit, disait littéralement, ça veut dire Casimir et Violette ont eu chacun un bélier. Voilà. Hein, mais Eder Maut, ça veut dire qu'on a gagné le prix. Hein. Ouais. Beba Maut, Zoet, Gant Casimir, à Violette. Chacun d'entre eux, donc, a eu un prix, le premier prix dans sa catégorie. N'est que Roméo à Juliette, mais Casimir à Violette. Voilà, ce n'est pas Roméo et Juliette, mais Casimir et Violette. Ah, Sapré Albert, qu'a dit Chanik. Alors, elle dit, ah, Sapré Albert. Alors, Sapré, c'est une déformation de sacré. Mm-hmm. Hein, et la déformation évitait de dire sacré, parce que le mot sacré lui-même était sacré, quoi. Ah, c'était pour ça. Ouais, et donc, pour ne pas le prononcer sacré, on dit Sapré, hein. Et c'est très répandu, hein. Mais oui, moi j'avais une voisine couturière qui disait sacré bourdelle tout le temps. Bah oui, donc, oui, voilà. Voilà. Donc là, on peut pas employer sacré, bien entendu. Hein. Sacré, hein. Et ça, c'est très, très, très répandu et très expressif, en fait. Et typiquement du coin des Bretonnants. Ah oui, partout. En Bégalo, ouais, ça ne dit pas ça. Ah, je ne sais pas trop comment ils disent. Bon, on va faire une recherche. On fera une recherche là-dessus. On termine sur Maison Lectant Matin, mais on retrouve maintenant Petra Zonnet-Vervron. Place maintenant à la petite gazette d'Henri Le Naou, d'Henri Le Naou, Petra Zonnet-Vervron. Henri ? Petra Zonnet-Vervron, calze drau et veljus, bouervej diouzan, grogum de dianton vel custum, gandela bourdouar agavu et war armez. Tremène des brémor, gouan calet, a deux des neve amsa. Ouelot ve bleu baliorzu, clevet ve neumned au canon ag zo crog d'oberonez, échu et barrière chassé, a vraiment mon houls de pesquetat. Alors pesqueter cause de ce diernier, ou à Yvon et Brenberg, ou gel, hag ur pôl se oa de spurut, hein, mais de gant oa beba botoa, a el oa de chom de rostren. Hag el are en igan oen, ur pesqueter ezo kondan ne peru a e bord de steer, de la kadi jonge gant de pesque, le skele drubu ou badier, a ma grogan lusen en igayon en penivus ugan, ma eorguir besket e redle don di banneur. Se tu as eo un tamp deus ar gant oen, ka gant oen zo zo hir, hein? E gant oen zo oa begred war gwaaz en eo rouz, hein? Zo ur oaz dramen va pont gos vilin, tre puru da koldeien. O vich benek ket ma trezen vo gred o labad an oar iwan de Brenberg, ka kalz a draou vefe bet de lar ed war an deinz. Tremene de bremañ salon ze la bour douar ba Paris, a case du de Zobed, hein, blanc meroise, ou à Rodro 600,000, hein, de l'arrêt nozérienne. Ag, élan Zobegwell, de case du, à case londe, de Veljust, ag, no misc, case londe de Zbreiz, homme, plus dur et roise, Breiz, hein, tientant de Randvro, zo, ou à Videlor Bordeaux, à Rebrovrance. Ag, ou scoud, zo, case gudé, nous, zo, leis, hein, ou à Dachen de l'or Bordeaux, Videlais, et Ster d'un trou, plus dur, prise jo chomere isel hag har ou era yawarok vide mort zo kudé no eve an eus ke mezel ad stal gad hein, yavaltre hag hendel vide yir ne ke kalz gwellar hein, zo kudé no bras putur da skouer ve gwellze gant stal dou o vont tam matan me bru genio bon setu kalz kudé no adro la bourdoua dans mon temps moi dachen un endro vraiment lancement des intros va par rouge orvro gan la rac 13 brise bocage da square het a hit gan guajou vel sterang sterrier p un elé rois a casse des intros waro gan strolat par rouge ou kalaga gan strolat par rouge ou crise brise c'est ckb ma besoin hein a gan technique ou yo wang yo Johan Moreau hein pelarin mat rawardro hag aze vo gred kleuzioù, plante vo kouat, hag tout un traouz ov digoust, vid labour, vid un dut, hein, tout de labour, yaouz ov digoust, vid un dut. Bon, vicho montam war dachen en endro, neus ke gwal belzo, oa bedim bandet, gant agens, agens ur yechet, ur garten, deus perzioù un dour, un bavro. Dreistol vi pezezel deus un nitratet. Hag gwell meus gant plijad ur oa dour mal, bavro, ram, dour deus blavez evel just, pu dur oa neptor vi pem war nugen miligram nitratet ba, peblit a dour. Hag anse vo moyen de der an or kafe pezouben gant dour evro. Ur mar ezo bet vigelar et un dun ne oa kemat ka avoun yir ba dier. A dreistol ba hier yo. Hag mamez oa bet jonj de bon lar vigeze bar mot yir digas a klevej ou sanset hag rachet en dron en tir. Bon, am jonj oa bet mamez zevel or lezen vi harzen du de gad yir ba dier. A bremañ zo komprenet de neus ket gwell ar vide yir de zibi restachou hag zezo ono esperner hant ma peusoan plusieurs vekas neptor restachou de nuzin. Hag un tuel de zeve gret temps gante, a setu, un dro de la nu, un da skouer zo bet ro d'hier yir d'un dut, de gal de yir ba dier de zibi a restach, ou avancé, gwell aret, chanj ran trou. Yir drôle. Ya, ya, ya, yir iskiz, on tam, ya, gant gan u au glas, a peu psor, ya. War politiker, ne la rin ke kal ze dra, vejement, kom ze ve kaz de ze lezen o ton vid un digreiz zenan, vo vot ba mizebol sanset, hag zo douget gant Marilise Le Branchu, pet tientor zo skrivet gant technokratet, hag vo zinet gant ministres. Med bon, vid breiz hag vro ton un degredan ket chan jose kaz ze dra. Kom ze ran aliz de ze brezon neger skol, evel just, putur, man amzor de zon ur yez, Baskol, ziz o trizoar, met diz se montreu, hag stad ar yez o truez ziz oar bavro. Un dern vrasan de ze vigal e ne glevon ket un ur ger brezon ne kpad o amz ar skol, pe son dradriz me mestra. Vezhen amz ar me mestra ve tiel ou mat, tiel e ar mat, war an da jen zen. Da skouer ba kawan, zo bremañ kant bugel o tiski brezon ne kbaskol. Hag ba kawan nenten diou yezeg zo oa bekrouet ba bla seiz a perugen gant skoazel per Yvon Tremel de houls oa senatour oa politikour an oa ke Jacobin pez zo raltre bro Franz. Ba kalag zo bedigour de nenten diou yezeg blam hag Lena Louarn en del oa bed kan o melo di vid las hag reistartigen on tamm d'un tud d'ar vugale. Ba plouvagor, vo digor, d'zuroar, on nenten diou yezeg vin distro skol, pu dur, man notre omer hag honsaï du ganze. Gwellet vo. Vegel, moa kom ze tarp de ze livour Paul Serruzier, pu dur, vo gred ur mirdi evitant ba plonneve ur faou. Evel, jus kal ze livour, yon ez obet dide net gant breiz, war dro kan vlaso, an dreiz tol pe oa bet digor de line nou train, line nou hentouar, na dis hale livourien don de vro, hag de houls oa bet kalz livourien ba vro, pudur breiz oa or vro, un galak vel ar ze pitoresk. Da la rade oa obe an trao a vije moyen de livan da skouer l'er youker, war an oda bak reiz un douarou, tud guisk ker vid ur pardon yo, tiz, chapel yo, iliz yo, mon er yo. Hag a vije gwell a diz kalz a livourien o val e dre ar vro, deud gant un entouarn dre stol bat nan. Hag ze oa ba houlz oa l'er a Napoléon III, pu yo gant Napoléon III oa belak de l'iné no entouarn, dre vras. Hag bremañ, evel juz neus ket tiemme de drou breiz a zo diz henvel deus l'er hel, setu zo ne peutor mem am eus traz o livourien evit ar blijadur. A zeve gwellet peve gred em voda ouvel livio breiz ar galak vel arze couleur de Bretagne, ave gwellet kalz dud, kalz livourien vid ar blijadur diz. Hag peve komt eus livourien onan hag neus gred kalz drou vid ar vro am, oa Mathilin Mehe. Hemoagan ba lambal, ba mileiskan doa perugen, pe larin mat, hag hez deus bet liv kalz draou, hein, ida doa emmenu jor ba lambal, a hi oa et or studi ba skol un arzouker ba c'hoazan. A setu oa l'air oa et de chom de bar, izme a list et de vro. A deus gret kalz dole nou, kal, o pezo ber an bras tre neus begret. Hag peso un eus ket moyen de lakad de matilin me eus ban o sko livan ma peusoan, pu dur un eus liv trau bep sor mod, a kalz drau. Hag blan meus o gret o un disko ezad ag de stoud, enfin pas stoud un pez neus gret, ka neus ket moyen de rad kaven etoun, met deus kalz dole nou, ba mirdi a vartelo odet ba Paris, bet a mis fin mis even, ma tremelet ba Paris, halin Montevel se. Hag mirdi a vartelo de musée de la marine. Neus ket gwall belzo, vi chom war dachen ar glad, oa lakad tier ar gemene oa rol her you bi an aker, galak vel arze petit cité de karakter. Ar gemene, et puis on vel arze ar gemene, ar gemene zo an avenmad vi de nandouille, nevel just, me vi kalz drawel, deus ar glat. A galiz, ba, kan noe nou avro, vi je komz deus ar gemene, da skruer war an tom pol kaplin, ve kanet, miso ganet ar gemene, joli koukou, me zan me man me waive, joli, joli koukou, me zan me man me waive, joli koukou. A me zat koz, herinod, tan me zat, gant e aliz ur gant laun, pe vije ban ur pret penek, pe vije goul gant tan gant no, gant e, mi me zon ti ur gemene, mi me zon ti ur gemene, mi me zon ti ur gemene, zo zavet leil ur mene. Ur gant laun ze gomze c'hoaz deus gemene, gwell ar edo, oa han e mad gemene, ur gemene, an me bavro. A pu dur an chom, an komz de skanerien en DL oa be gret ba mitiel gronvel, ar fez noz an inor de Jean Poder, ozet gant ur strola de la fisselri, hag rog ur fez noz oa bet ur goze aden gant Dominique Jou a Yann Fanch Kemener, evit displegan pi oa Jean Poder a pesabu en eus bet, pu dur an eus bet vet ba plou gernevel a ba plonne, pu dur oa labour en douar, hag Jean Poder oa gant de Milno Hantri ba bonen. Mamez bla, mamez barouz vel Bernadette ka Greiz oa kosant pla oa breiz hag zo mar en DL a oa hon de gade kandegla. Hag bon vid hadkomz de Jean Poder kan ore, ba, kan a diskant, ton yo fisel, ton yo fanj, gant Jean Mayoudek, a kan ore ive kan oen oa brous, bruit de doa vidzeg. Bon, c'est un temps de spessonner, ve bavro, kalz de drau vefe be de la arroaz, me ben vegel o la arroaz. C'est un lar amdar kenavo, chilo ea yen er kabe, tien ar vegel. Kenoeri. Ya. Yeah.